m'attendais à Paris. Oh Rosie, oh Rosie, et moi j'étais en Algérie. J'ai vu les engagés échanger les filles du pays contre la mise en liberté d'otages qu'on avait pris. J'ai vu des colons qui vendaient 100 francs juste un peu d'eau à mes copains du contingent qui faisaient leur boulot. J'ai vu les testicules coupés qui séchaient au soleil et les représailles qui suivaient à coups de tesson de bouteille. J'ai vu des grenades éclater aux pieds des camarades et des lambeaux de chair voler comme une marmelade. Oh Rosie, oh Rosie, toi tu m'attendais à Paris. Oh Rosie, oh Rosie, et moi j'étais en Algérie. J'ai vu des gars du FLN dans de grands trous pourris qui attendaient qu'on les questionne à coups de bistouri. J'ai vu des héros parader avec des enfants morts qu'ils tenaient dans leurs bras en disant il en reste encore. J'ai vu des galons sur le sol qui baignaient dans le sang et les faire-part qu'on envoyait en France à nos parents. J'ai vu le plastique exploser et des enfants pleurer. Pendant ce temps-là, on nous disait cette fois on va gagner. Oh Rosie, toi tu m'attendais à Paris. Oh Rosie, et moi j'étais en Algérie. Ne m'en veux pas ma petite Rosie, si quand je suis revenu, je ne suis pas allé te voir, mais je n'en pouvais plus. J'étais comme une bête et mon cœur était tuméfié. J'avais comme l'impression que je ne pourrais plus aimer. Ces souvenirs restent gravés en moi comme une plaie, mais j'ai encore du mal aujourd'hui à les oublier. Toutes ces choses à présent n'appartiennent plus qu'au passé. J'ai eu de la chance, je sais, de pouvoir revenir entier. Oh Rosie, oh Rosie, toi tu m'attendais à Paris. Oh Rosie, et moi j'étais en Algérie. Oh Rosie, toi tu m'attendais à Paris. Oh Rosie, et moi j'étais en Algérie.